Je me serais égaré, perdu, désorienté. Demain sortiront d'un pigeon et joueront d'un banjo d'os, un requiem des tréfonds, tellement la peine sera grosse. Sur ce fond musical, j'aurai un sourire bancal quand je traverserai les gouffres. À forte odeur de soufre, j'entendrai l'écho instable de rires saccadés de diables. Le chemin sera long, comme les sanglots de Verlaine, percés de cris de démons, de cliquetis de chaînes. J'avalerai souvent ma salive, des glaires grosses comme des olives. J'avancerai parfois à tâtons, hésitant à tourner les talons, quand la peur grandissante projette son ombre envahissante. Je t'aimerai quand tout au bout, j'atteindrai l'arrivée encore debout. Combien y aura-t-il de pièges, de vilains sortilèges, de dragons aux chottes à laine, de moustiques baleines, avant la glorieuse victoire, des seins ronds comme des poires.